Le live des ma... Le live démarre, la vibe s'installe, Raiders Kill est là, prêt à faire le bal, les viewers arrivent, l'ambiance est douce, un moment partagé, la famille s'accroche. J'ouvre le chat, un sourire sincère, les échanges commencent, une atmosphère claire, des rires, des conseils, des moments vrais, dans ce stream on construit sans jamais se taire. De son enveloppe la basse roule, chaque mot résonne, le temps s'écoule, les viewers connectés, la force est là. Dans ce live c'est notre combat, si ce stream la vibe est le rythme monte, le chat s'anime, l'ambiance affronte. Un flow simple, une énergie claire. Dans ce monde virtuel, tout est lumière. Les trolls défilent, mais on reste soudés. Raiders qui mènent, rien n'est oublié. Les viewers fidèles, la team en place. Chaque live est un espace. On frappe, le live est chaud, la vibe attaque. On s'amuse, on clash, on se soutient. Dans ce stream, c'est notre lien. Les viewers présents, la famille forte. Unis par le son, la musique emporte. Le flow monte, la nuit s'enflamme. Raiders qui brillent, la vibe réclame. Un souffle calme, un instant partagé. Le live respire l'énergie chargée. Demain sera là, on reprendra. Avec Raiders qui la route continuera. Jamais répondre.